enfermé. Dis, que fais-tu? Ne sais-tu pas encore que les doigts désapprennent à caresser comme c'était le cœur légué au silence. Prends deux poignées de sable, elles te feront.